As-tu pas vu ce grand vilain qui se cache au grenier au coin pour faire place aux autres? Un coq mène l'autre et toujours sont en peine. Un coq et l'autre mène. Les cocus sont gentils oiseaux, aux yeux des amants ils sont beaux, car l'un est fait pour l'autre, un coq mène l'autre, et toujours sont en peine, un coq et l'autre mène. Les confesseurs au ciel iront, tout cela des jaloux riront, qui n'ont fait comme un autre, un coq mène l'autre, et toujours sont en peine, un coq et l'autre mène. Et les jaloux incessamment seront en éternel tourment, et coq comme un autre, un coq mène l'autre, et toujours sont en peine, un coq et l'autre mène. Car quand aux femmes il plaira, tout le monde cocu sera, autant l'un comme l'autre, un coq mène l'autre, et toujours sont en peine, un coq.